7. L'école de Buissonnière. Son oncle, en rentrant au bout de quelques heures, la retrouva la tête penchée devant son travail, doucement et profondément endormie. Il lut le papier ouvert encore sur ses genoux, la regarda triste, leva la main sur sa tête, peut-être pour la bénir, et jeta une pièce d'or dans son tablier. Elle ouvrit les yeux, prit la pièce brillante, regarda son oncle, riante et à demi éveillée. Les autres, dit-elle, en tendant ses petites mains ouvertes. Les autres? Comme vous y allez, mademoiselle. Vous croyez donc que le bien vient ainsi en dormant? Hélas, ma pauvre enfant, c'est tout ce que le sort peut faire pour notre service, 20 francs d'acompte sur l'avenir, et le talent de votre oncle, et le reste, dans l'incertitude. Que cela d'acompte, mon oncle? Quoi, sur un tableau si beau, si frais, si pur, où les arbres bougent dans un fond plein d'air? Que cela d'acompte? Quel dommage, dit-elle, tout à fait éveillée. Les choses n'arrivent jamais comme on les arrange. Vous me volez cette idée, petite, et je ne sais pourquoi vous vous donnez les airs de fouiller ainsi dans ma tête, comme dans une armoire qui vous appartient. En avez-vous la clé? J'ai des yeux, mon oncle, et j'y lis quelquefois ce que vous n'avez pas dit encore. Vous y lisez donc que vous n'aurez jamais de meilleur ami que moi, Ondine. Je le signe qui cela peut vous consoler. Ondine l'effleura du regard le plus reconnaissant, éteint longtemps sa main, tandis qu'il parlait. Sans les mécomptes qui viennent à la traverse, poursuivit-il, on pourrait bénir sa voix, son humble voix, comme celle d'un ruisseau de ma connaissance, et de la vôtre aussi, je crois. Un ruisseau. Cela vous regarde. En allant, moi tout jeune, à Riolet, peindre des ornements de chapelle dans l'abbaye du village, je passais des heures de silence et de joie, au bord de ce faible ruisseau, bienfaisant sans le savoir, mêlant le plus limpide et le plus amical murmure aux rêves que je bâtissais sur son léger courant. Je buvais l'avenir à son hymne humide et caressante. J'étais, mon Dieu, tout ce que je voulais être. Un jour Raphaël ou Michel-Ange, un jour le Tintoret ou Salvador Rosa. Mon bon ruisseau ne disait ni oui ni non, mais il allait. Il semblait sourire comme l'ange aux rêves des enfants. Comme votre ange gardien, ma bonne Ondine, à vos rêves du berceau, quand vous dormiez du moins, car les yeux ouverts, vous étiez un petit serpent de turbulence. J'eus fantaisie un jour, moi, grand et raisonnable, et qui représentait mon excellent frère Félix aux travaux de l'abbaye, de me jeter dans l'école buissonnière, et d'aller tant que le ruisseau me servirait de camarade et de guide. Je poursuivais donc la vie à cloche-pied. J'ai honte quelquefois. Il n'y a pas au monde de boiteux qui ait vécu plus sur une seule jambe que moi, qui en est de très bonnes. Pauvre voyageur claudiquant qui s'est laissé prendre aux détails de la route. Dans le transport d'une telle liberté, je regardais avec un grand amour des voyages le fond caillouteux et murmurant de l'eau, le cresson ballotté dans mille globules de cristal, les poissons fins comme des anguilles d'argent, qui semblaient m'accompagner et me dire « Allons !» Et je me mis en effet à marcher comme un chercheur d'aventure, la tête tournée du côté du ruisseau. Je regardais aussi de temps à autre au fond d'un ciel bleu et chaud, où il me semblait voir des morceaux de dentelle lumineuse, des serpents de feu, des rayons brisés et glissants comme des lames de nacre à jour. La nature était transparente. Cette puissante lumière serait longtemps admirée par nos yeux ravis, si elle ne faisait pas cruellement souffrir la paupière, qui pleure et qui s'abaisse forcément devant cette majestueuse fournaise, dont la source, par pitié peut-être, est encore invisible pour nous. Mais vous n'imaginez pas combien je devins tout à coup malheureux, quand l'eau d'en bas, brillante et perlée, prit une teinte jaune et bourbeuse, quand je ne vis plus ni cailloux, ni poissons d'argent, ni fleurs flottantes comme à la danse des fées. J'avançais avec terreur pour découvrir la cause d'une telle infortune, et je vis mon ruisseau refoulé par un autre, qui accourait se jeter sur lui, fier et impérieux, et le traversait avec tant d'arrogance que mon humble ami rebroussait chemin en désordre. « Et puis, mon oncle, dit Ondine avec l'intérêt d'un enfant qui écoute un conte, et puis je rebroussais chemin avec lui, comme je viens de faire avec vous, et mes 20 francs d'acompte sur l'avenir. Voilà, voilà comme j'ai vécu jusqu'ici, avec le bonheur, en surnuméraire patient et résigné. J'attends. »